www.choc.ca. 89.1. Bonjour, bienvenue à la portion top 10 des palmarès fou pour la semaine du 23 au 29 octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Maudin. Léo, Tania. Hey, bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Ah oui, t'as bien mangé? Est-ce que t'as goûté quelque chose? J'ai pas encore dîné, Mathieu. Non. Mais non. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'anime les palmarès fou avec toi. Moi, j'ai mangé une petite pâtisserie aux poires. C'est vrai. C'était bon, ça. C'est vrai. Ouais. Nutella et poire, hein? Nutella et poire. Ça semblait très, très bon. Magnifique. J'ai mangé des céréales, même. Ouais. Mais ça fait qu'on va dîner tard. Oui, exactement. C'est ça. Ça va, on vous accompagne pour votre dîner. On se sait que nous, on mange après. C'est ça. On est là pour avoir la meilleure cuisson, finalement. C'est ça. Donc, aujourd'hui, dans la portion top 10, on va bien sûr entendre les positions 10 à 6. Plus tard, on vous réserve, entre autres, Metz, Emily Haynes and the Soft Skeleton, Teen Anger et Always. Et du côté francophone, eh bien, on vous. On devrait vous avoir du Slazy, du Kikuna, du Durcoeur. Mmh. Mais on commence tout ça avec Paupières et Défunte Lune de Miel. Ah! Oui! Non? Non! Ah! As-tu la bonne feuille? Ça, peut-être que non. Non, on dirait que non. On écoute Sleazy! Oh. Avec Rave Mélancolie! Avec Rave Mélancolie! Oui! Et on met de l'ordre dans les feuilles! Exactement! Jetons les anciennes, ça va sûrement aider, je pense.

Long time. C'est ça. Long time coming de Cheap Trick. C'est la position numéro 10 anglophone. Ça monte d'une place sur l'album We're All Alright. Et du côté francophone, eh bien oui, c'était bien Sleazy avec Rave Mélancolie qui est monté de la 18e position depuis la semaine dernière. J'ai rarement vu ou entendu, du moins, un bloc qui ne fitait aussi peu ensemble. Ouais. Ma phrase était mal construite, mais t'as compris l'essentiel. J'ai très bien compris. J'ai tout à fait compris ce que tu veux dire. À 9e place, on va se sauver de tout ce mauvais comment dire, cette mauvaise grammaire et autres, avec la position numéro 9 anglophone qui est Mads avec Cellophane qui monte de 4 places. Mais du côté francophone, tout d'abord, on va descendre de 4 positions pour Gallery Road et Modo Day. Tu l'aimes, hein? Je l'aime! Ah oui! C'est des palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Miam! Thank you. We'll be right back. avec In Undertow, position numéro 8. Ça monte de 2 places sur l'album After Socialites. Et du côté francophone, eh bien, on a descendu encore une fois de 4 positions pour la position numéro 8, qui était Nicolet et la mystification. Pas mal bon, ça. C'est excellent. Moi, je me trouve tellement vieux et adulte quand je magasine Malaxeur. Ouais, mais c'est comme ça. C'est le même, hein? C'est ça, devenir adulte. C'est comme ça, maintenant, ouais. Tout est excité. J'ai vu une vidéo l'autre jour. Le gars recevait pour sa fête de son ami, de son meilleur ami, un micro-ondes. Et wow, j'ai jamais vu un gars être aussi content que ben ça. Oui. Puis là, j'ai fait, hey, attends, c'est parce que j'aimerais ça. On est vieux. Puis là, j'ai fait, ouf. Ouais. C'est fini le temps où je disais, j'aimerais ça avoir ça dans telle page du catalogue Sears, maman. Ah, le regretté catalogue Sears. Ah, ah. Il n'existera plus. Triste. Mais retournons à nos rêves, oui, sur notre magasinage sur le téléphone pendant qu'on écoute de la musique. Oui. Et pendant que vous mangez vos petites crudités. On est tous dans le même bateau. Là. Exactement. Les personnes qui se concentrent à écouter la radio. Mais non, mais non, partout. Alors, position numéro 7, Emily Haynes and the Soft Skeleton et Statuette qui monte d'une place. Et du côté francophone, on monte de 3 positions parce que la semaine dernière, on était en 10e place. Voici la mère des tourments de WD-40. C'est vrai qu'on est vieux, je veux dire, hey, chante moins fort, le WD-40. Il crie tout le temps. Je sais. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. And the Soft Skeleton, la pièce Statuette. Ça, c'est en position numéro 7. Ça monte d'une place en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, c'était WD-40 et la mère des tourments. Et voilà pour ce bloc-là. Il nous en reste seulement un avant de passer à ta chronique, Tania. Eh bien, oui, ça s'en vient. Qu'est-ce que tu nous prépares pour Huile de Palmarès? Eh bien, je vais vous préparer quelque chose qui sonne pas nécessairement comme ce que je vous présente habituellement. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai fait un bloc qui était plutôt style voyage. Mais là, aujourd'hui, je vous dirais qu'on va quasiment aller jouer dans les styles jazz. Oh, intéressant. Ouais. Vous allez voir, mais ça reste des artistes canadiens. T'as tellement des goûts variés, Tania. Ah, c'est fou, hein? C'est fun. Alors, on y va avec les positions numéro 6 avant ça. Donc, en anglophone, il y aura Teenager avec Fun For God qui descend de 2. Et du côté francophone, eh bien, c'est Synchro de Rosie Vallant. Tout de suite, au Palmarès, c'est fou. 89.1 FM. Ouais. Forgot de Teen Anger pour son numéro 6. Ça descend de 2 places en anglophone. Du côté francophone, on a monté de 2 positions pour Synchro et Rosie Vallon. Wow! Maintenant, c'est 8 de palmarès. Encore! Ça fait donc bien souvent, ça. Voyons, non, c'est quoi ça? Eh hey boy, et où mon intro est là? Ben oui. Ça fait 2 fois je fais ça. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, Emile de Palmarès, merci. Où tu nous présentes tes découvertes musicales de la semaine. Oui, exactement. Et aujourd'hui, je prends vous en présenter 2. Oh oui, probablement. Probablement. C'est une longue pièce. Là. C'est ça, exactement. Donc, je vais commencer tout de suite pour pas manquer de temps pour vous les faire écouter. C'est encore une fois grâce à Spotify que j'ai découvert ces artistes magnifiques. Je pense que ça existe. Oui, les deux vont venir de Montréal. La première, elle s'appelle Sophie Abel. Peut-être que certains l'avaient déjà vu dans un vidéo avec une jeune actrice québécoise. Ils ont fait un cover d'une chanson de Justin Bieber acoustique. Mais son style musical à elle est très différent de ce qu'on connaît habituellement du côté francophone québécois. J'ai le goût de dire que ça joue entre l'électro et le jazz. Oh. Comme je vous le disais tout à l'heure, on dirait que j'ai de la difficulté à mettre le mot sur quel serait vraiment le genre musical de ces deux artistes-là. Original, définitivement, mais ça joue entre plein de styles. Mmh. Et c'est ça que je trouve le fun présentement sur la scène musicale canadienne, c'est qu'on touche à plusieurs styles différents. On s'en fait comme une espèce de mash-up, puis ça crée des pièces quand même incroyables. Donc, sans plus tarder, je vous fais écouter Sophie Abel et Goodbyes. Dans Huile de palmarès. Take your time to let me go. Waiting for new sheets to call home. Giving me space until I go. No need to break what time has brushed away. Thank you. Sophia Belle et Goodbyes. Comme je le disais, c'est comme un mélange de plein de styles musicaux ensemble. Ouais. Mais j'adore ça. Je trouve qu'il y a comme des effluves un petit peu de jazz là-dedans. Je trouve qu'il y a comme une espèce de sensualité qu'on retrouve dans la musique jazz qui se retrouve dans cette pièce-là. Et j'ai adoré. Un crémat d'arôme là. Exactement. C'est ça, de bulles. Bref, super bon, j'aime beaucoup. Une deuxième pièce pour se quitter dans quelques instants, mais présente-la nous tout de suite, s'il te plaît. Eh bien, je vais vous la présenter immédiatement, sans plus tarder. C'est aussi un groupe de Montréal. En fait, c'est un artiste de Montréal. On parle de Jesse Mac Cormack et sa pièce Addict. Là aussi, on va jouer dans le côté jazz un petit peu. Vous allez voir, il y a des influences qui sont très, très normales du style musical. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai comme l'impression qu'on joue dans ces lignes-là, un petit peu, là, dans le côté jazz, dans le côté blues aussi, mais avec une petite touche de rock. Ah, bon. Donc, vous allez voir, c'est pas trop de la pop. En tout cas, moi, je ne décrirais pas ça personnellement comme de la pop. Peut-être que certains le feront. Mais c'est un band qui a été mis en place dès 2019. Donc, ça fait déjà un bon 2009, pardon. Ça fait déjà un bon moment qu'ils sont sur la scène musicale. Par contre, moi, je les ai découverts maintenant. Fait que je vous l'ai fait découvrir ça. Là. Ça aurait pu être à l'avant-garde tellement genre dans 2 ans. Mais peut-être. Cool. Puis on dit que c'est surtout de la musique pour l'âme. Bon, on aime ça. On va écouter Jesse McCormack avec Addict dans quelques instants. Le temps de se dire au revoir pour cette édition des Palmarès Info, édition top 10. On se retrouve la prochaine fois pour l'édition top 5. On va savoir si notre numéro 1 anglophone est toujours Gogol Bordello avec Summer Blues. Et du côté francophone, on va essayer de savoir si c'est toujours Octoplot et Héros ou Ennemi. Oh, ben, bonne question. C'est dans la prochaine édition des Palmarès Info en semaine, du lundi au jeudi entre midi et 13h. Édition week-end, les samedis dès midi. Et à bientôt. Là. Au revoir tout le monde. Bye. Does it separate?